Magic Elvis, le feuilleton musical pour réveiller vos petits matins d'été au son des tubes du King, dont on fêtera, je vous le rappelle, le 16 août, le 40e anniversaire de sa mort. Ce matin, les dépenses d'un roi. L'une des choses les plus spectaculaires à voir à Graceland, le domaine du roi Elvis, c'est l'endroit où sont exposés ces deux avions. Un jet de 10 places pour les courtes distances et un avion de ligne nommé le Lisa Marie pour les longs voyages. La visite de ces deux appareils impressionne toujours. Moi, je suis passionné d'aéronautique parce que je travaille là-dedans, donc on a été voir les avions aussi. C'est ça aussi la démesure américaine. On est loin, nous, Européens, de s'imaginer dans les années 60 qu'un artiste pouvait se payer un avion. Déjà, un jet privé, bon, ça encore, on le comprend, mais un Boeing 707, c'est l'équivalent d'un Airbus aujourd'hui, quoi. Donc, c'est là qu'on voit la démesure par rapport à nous en Europe, quoi. Et c'est il y a 40 ans, quoi. Don't want a four-leaf clover. Don't want an old horseshoe. Pour être précis, il s'agit non pas d'un Boeing, mais d'un Convair 800 qu'Elvis a acheté à Delta Airlines en avril 1975 pour 1 200 000 $, auquel il a ajouté 800 000 $ pour le décorer et en faire un véritable palace volant, soit au total 20 fois le prix qu'il avait payé sa maison de Graceland 18 ans plus tôt. Sur la queue des deux avions, trois énormes lettres reliées par un éclair. TCB. Je demande à Joe Esposito, celui qui fut l'homme de confiance d'Elvis, de m'expliquer. TCB means taking care of business. TCB, ça veut dire prendre soin des affaires. Elvis a dit qu'il avait besoin d'un logo en rapport avec lui. Alors, après des vacances en Californie avec Priscilla, ils sont revenus avec cette idée. Les lettres TCB frappées d'un éclair, qui signifie prendre soin des affaires vite. Et c'était aussi le signe de la mafia d'avoir ce logo en pendentif autour du cou. C'est resté notre logo sur la queue de l'avion, sur nos blousons, sur tout. Prendre soin des affaires, vite. Elvis a pu profiter de ses avions durant les deux dernières années avant sa disparition. Il les utilisait pour ses tournées, ses vacances ou même pour ses caprices. J.D. Sumner, qui n'est plus de ce monde malheureusement, aimait utiliser sa voix très grave pour raconter cette histoire authentique. Un après-midi, il s'est réveillé à Graceland et il voulait un sandwich au beurre de cacahuète. Il a réuni son équipage et il a pris le plus gros de ses avions, le Lisa Marie. Et il s'est envolé pour Denver pour acheter son sandwich. Et il est revenu. J'ai vu personnellement la facture de carburant pour le vol. Ça a coûté 8 000 $ par trajet. Donc au total, ce sandwich a coûté 16 018 $. Et puisqu'on est dans les confidences, sachez qu'Elvis avait trouvé un surnom pour ces deux avions. Il les appelait Hound Dog 1 et Hound Dog 2. You ain't nothing but a hound dog. Magic Elvis, série signée Philippe Robin, que vous retrouvez tous les matins sur France Inter à 6h50.